Voici, c'est la cinquième prise de l'artiste Marcelo Dedeux, où il nous offre sa propre anatomie, autant visuelle que sonore, de ses impressions. Le passé, son présent et le futur.